28 février 1838, 7 heures du soir, du château du comte Orlok au pays des fantômes. J'ai pu tout de même parler au comte de notre affaire. Il est en effet passionnément intéressé. Une heure avant le déjeuner, il est venu me chercher lui-même dans la salle où j'avais passé la nuit, et il m'a conduit dans une chambre au premier étage. Très belle pièce, qui donne sur un parc en friche, et d'où l'on aperçoit les sommets neigeux des Carpates. À midi exactement, le comte est venu me prendre pour le repas qui s'est fait dans les mêmes conditions qu'hier soir. Orlok n'a pas dit un mot, et m'a fait manger et boire copieusement. « Il faut, m'a-t-il dit au moment du champagne, vous bien nourrir, cela donne du sang. » Puis je lui ai demandé, « Êtes-vous déjà venu à Wisborg ?»« Oui, il y a quelques années. »« Vous connaissez donc la maison que vous voulez acheter ?»« Oui, vaguement. » »« Vous savez qu'elle est en très mauvais état. » Sans doute, mais ça n'a aucune importance. Désirez-vous, monsieur le comte, en faire une maison d'habitation? Je ne sais pas. Désirez-vous la faire démolir? Peut-être. En tous les cas, je suis chargé par monsieur Knock de vous dire qu'elle vaut 60 000 couronnes. Car je me suis décidé à augmenter le prix que m'avait fixé mon patron, puisque c'est du bénéfice pour moi. Le comte n'a fait aucune objection. Bien, m'a-t-il dit, mettons 60 000. J'ai été chercher dans ma valise le plan et l'acte de vente. Il a signé l'acte avant même de voir le plan. « Mais, monsieur, faites attention, lui ai-je dit, pris tout à coup de scrupule, que cette maison est inhabitable pour l'instant. Pour tout autre que moi, peut-être. Comment, vous avez l'intention de venir à Wisborg? Je ne sais pas encore. En ce cas, vous me verrez souvent, car ma maison est juste en face de cette demeure. Oui, je sais. » « Comment le savez-vous, monsieur le comte ? On me l'a dit. » J'étais un peu stupéfait de cette réponse, car j'ignorais absolument que mon hôte fût au courant de l'endroit où j'habitais. « Est-ce que l'on voit vos fenêtres de mes fenêtres ? » demanda-t-il. « Oui, il n'y a que le fleuve qui nous sépare. Ainsi, je pourrais voir Madame Uther, sans doute. » Il ricana. « Je pourrais voir le cou de Madame Uther. » « Mon Dieu, monsieur le comte, si cela vous fait plaisir ? » « Bien sûr. » Elle a un si joli cou. Cela devient une manie. Que ne peut-il laisser le cou de ma femme tranquille? Wisborg est une belle ville, me dit-il encore. J'y ai beaucoup flâné dans ma jeunesse. C'est là que j'ai connu M. Knock, qui est un grand ami. Je ne pus m'empêcher de dire que mon maître, en effet, paraissait d'avoir une grande vénération pour le comte. Je sais, dit-il, je sais. Puis il prit congé de moi. Il me remit l'acte de vente qu'il avait paraffé, et au moment de me quitter, m'ayant regardé, comme il l'avait fait la veille, de la tête aux pieds, « Vous avez une piqûre au cou, monsieur Jean Uther » s'exclama-t-il. « Oui, monsieur le comte, ce sont les moustiques, sans doute. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'elles ne me démangent pas. Vos moustiques sont-ils inoffensifs ?» Le comte eut un sourire étrange. « Oui, tout à fait inoffensifs. Mais ils aiment beaucoup les gens qui se nourrissent bien. » À ce propos, si vous avez faim dans le courant de l'après-midi, monsieur Uther, ne vous gênez pas. Vous êtes ici chez vous. Prenez ce qui vous plaira sur cette table et ayez bon appétit. Je vous remercie, monsieur le comte. Il faut manger, monsieur Uther, pour avoir du sang. Mais oui, fis-je comme pour me débarrasser de cet interlocuteur qui ne consentait pas à partir. Du sang, monsieur Uther, du sang. Voilà l'important. Voilà ce qui vous fait vivre. Voilà ce qui vous fait vivre très vieux, très vieux. Nous serions immortels si nous avions toujours du sang. Il me tourna le dos et s'en fut. Je n'ai pas suivi son conseil. Je ne me suis pas remis à table dans l'après-midi. J'ai été me promener dans le parc et rêver tout à mon aise. Rien ne vous y dérange. C'est le parc de la Belle au bois dormant. À peine voit-on passer de temps en temps le vol d'un oiseau. Mais il n'y a aucun jardinier, car toutes les allées sont laissées à l'abandon, et les herbes poussent comme elles veulent. Il y a des endroits où elles étouffent les arbres. Quel silence et quel repos, mais aussi quelle mélancolie. Je comprends que le comte Orlok ait cet aspect funèbre. Les terres de son château sont noires, et toute cette immense propriété paraît un grand cimetière. D'ailleurs, de ci, de là, on y rencontre des pierres tombales et l'on croirait se promener dans une vaste nécropole. Je ne sais pas si le comte me laissera partir ce soir, mais je le souhaiterais, car je commence à être là. Je sens une fatigue générale. une espèce d'épuisement dont je ne m'explique pas la cause. J'ai pourtant fort bien dormi cette nuit et je n'ai eu aucun travail depuis hier qui puisse m'avoir brisé les nerfs à ce point. Peut-être est-ce l'atmosphère de ce pays des fantômes qui ne me vaut rien. J'écris à ma femme, cela m'a fait du bien. Oui, décidément, je vais tâcher de partir ce soir. Mais qui voudra me reconduire jusqu'au-delà des limites de ce pays? Je me le demande. D'autre part, je ne veux pas m'aventurer seul et à pied sur ces sombres chemins. Il serait donc plus prudent de ne partir que demain. Nous allons bien voir.